C'est là que ça se passe. Yeah, yeah, être sort de l'ombre. Bouge tes pieds et laisse-toi aller. Viens donc voir le monde. Écoute. On rentre dans la place. On est juste là. Le beat est bon. Quand on débarque, c'est showtime. Ça fait que t'es pas game de bouger, de lever. Ça fait que t'es pas game de bouger. T'as trop souvent oublié.